Vous allez voir comme les gens sont méchants. Il y en a, ils sourient du malheur des autres. Parce que je vis avec ma sœur. Alors, nous, en ce moment, on a refait faire notre logement. Alors, nous, on avait un vieux pot. Un vieux pot qui venait d'une vieille tante à nous. Parce que dans toutes les familles, on a une tante. Des fois, on le sait pas, et moi, j'ai une tante. C'est dans les familles, c'est vrai. On a des tantes, puis des fois, on le sait pas. Moi, j'en avais une, j'ai été surpris de le savoir. Je dis, je savais pas que c'était une tante. Et c'était une cousine à nous. Elle était à Issoire. C'est vrai, alors, elle nous avait offert un joli pot. Ça va faire une quinzaine d'années. Mais alors, le beau pot, de grande classe. Pas des pots comme des fois on en voit. Non, le beau pot, c'est fait en mosaïque, avec de la vaisselle cassée, collée dessus. Très beau, de la classe, vraiment artistique, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir comme c'est curieux. Nous avons refait faire notre logement, nous, ce printemps-ci. Et alors, il s'est avéré que la couleur que nous avions mis dans notre logement, avec ma sœur, n'allait pas avec le pot. Ça jurait, voyez-vous, ça se mariait pas, voyez. Il s'est avéré ça. On était embêtés avec ma sœur, qu'est-ce qu'on va faire de ce pot? On n'allait pourtant pas le casser, c'est vrai, on est superstitieux, il faut jamais casser le pot. Ah si, ne cassez jamais un pot, ça porte malheur. Alors, c'est vrai, j'étais ennuyé. On n'osait pas le mettre à la poubelle à cause des voisins. Ils disent, tiens, ils jettent leur pot par la fenêtre. On était ennuyé avec ma sœur. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pot? Mettez-vous à notre place. C'était une sorte de jarre. Le 14 août, voilà que monsieur l'abbé vient nous rendre visite. Nous, on est très bien avec monsieur l'abbé. Il nous dit, je viens chercher des lots pour ma tombola du 15 août. Oh, mais vous tombez bien. On lui a pas dit, on l'a pensé. Hein. Il dit, tiens, ouais. Ça fait quand il prenait dans ce pot. Alors, il est parti avec son pot sur le bras et il était content. Et nous aussi, pensons. Comme ça, on verra plus le pot. Et puis alors, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en même temps, il vendait des billets de tombola. Alors, nous, on a pris un billet à 100 francs et c'est nous qu'on a gagné le pot.